disloqué, de caillou en caillou cahoté, il respirait toujours. Sans abri, sans asile, il rampait. On eût dit que la mort difficile le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante, il y traîna ses plaies et s'y plongea, sanglant, brisé, le crâne ouvert, sentant quelque fraîcheur dans ce cloaque vert, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sur la joue, blond, charmant, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands aux petits criaient « Viens voir ! Dis donc, Adolphe ! Dis donc, Pierre ! Allons, pour l'achever, prendre une grosse pierre !» Tous ensemble, sur l'être au hasard exécré, ils fixaient leurs regards, et le désespéré regardait s'incliner sur lui ses fronts horribles. Hélas, ayons des buts, mais n'ayons pas de cible. Quand nous visons un point de l'horizon humain, ayons la vie et non la mort dans notre main.